Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le jeudi 16 septembre. Il est 21h. Vous écoutez donc vraiment autre chose. Vous êtes sur Radio Radio 106.8, ou peut-être que vous nous écoutez sur les Mixcloud en rediffusion, en podcast sur les Mixcloud de Radio Radio, sur les Mixcloud de Vraiment Autre Chose. Peut-être que vous nous écoutez sur Bram FM, nos nouveaux partenaires là, du côté de Brive, Tulle, la Corrèze. Peut-être que dans ce cas-là, nous serions vendredi soir et il serait 22h30. Peut-être que vous nous écoutez via le blog de Vraiment Autre Chose, parce que vous avez tapé Vraiment Autre Chose haut et fort sur un moteur de recherche. Bref, l'important c'est que vous nous écoutiez et non pas la manière dont vous nous écoutez. Et puis, de toute façon, vous savez mieux que moi comment vous nous écoutez. En tout cas, vous nous écoutez. Merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. C'est vraiment autre chose. Vraiment autre chose, la petite émission musicale sans prétention d'obédience progressive. Et si vous entendez derrière moi le petit générique Captain Tartopone de Jean-Cohen Solal, c'est que nous sommes encore dans un de nos hors-séries au pied de la lettre. Au pied de la lettre, c'est notre grand feuilleton printano-estivo-autono-hivernal. À savoir, ça va peut-être nous prendre toute une année. Mais nous avons décidé avec les camarades ici absents, puisque je suis seul en ce moment dans le studio par une sorte de faille temporelle inexplicable. Nous avons décidé donc avec nos camarades de nous attaquer à la Nurse with Wand List. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Ça commence en 1979 quand sort le premier album de Nurse with Wand, Chance Meeting on a Dissecting Table Between a Sewing Machine and an Umbrella. Et cet album-là, donc ces trois musiciens de ce groupe, Nurse with Wand, c'est leur premier album. Et à l'intérieur de l'album, outre le disque, il y a une feuille avec marqué des noms. Et ce sont les noms des musiciens qui les ont influencés pour faire cette musique-là. C'est le propos de ces Nurse with Wand. Quand ils sortent leur premier album, c'est de dire « Nous ne sommes pas musiciens, point besoin né d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter. » Et eux ont beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. On a affaire notamment deux des membres, John Fogerseal et Stephen Stapleton, des gros fans de musique radicale, expérimentale, différente. Voilà des gens qui ont passé des heures et des années, que dis-je, depuis le début des années 70, à fureter chez les disquaires de Londres ou d'ailleurs, à la recherche d'un son différent, d'une pochette un peu chelou, à écouter des tas de choses et à emmagasiner une collection incroyable de tout ce qui se faisait de bizarre, expérimental, avant-garde, krautrock, rock in opposition et j'en passe, dans les années 70. Et d'où cette liste sur laquelle ils ont mis des mois et des mois à se mettre d'accord, d'ailleurs nos deux larrons pour écrire cette liste-là, quel groupe ou quel musicien méritait de faire partie de cette liste. C'était tellement pas d'accord que dans leur deuxième album en 1980, ils rajoutent d'autres nom. Au final, la Nurse with Wand List, c'est 291 noms de musiciens ou de groupes. Certains assez connus, King Crimson, Frank Zappa, Christian Vander par exemple, et d'autres totalement méconnus et qui auraient pu rester dans l'ombre et qui ont, ma foi, ont pu ressortir de l'ombre justement grâce à cette liste. Parce que cette liste, elle a fait son chemin. Parce que elle a circulé. Tiens, j'ai chopé cet album et j'ai cette liste-là. Ouais, vas-y, montre-la moi. Bah, c'est quoi ce groupe, Chaîne Noire? Attends, mais c'est quoi ce groupe? Et du coup, elle a fait son chemin, elle a eu sa propre vie. Et quand on arrive au début des années 90, cette liste, elle a une véritable hype, si j'ose dire, un terme courant, une véritable hype dans tout le milieu des musiques avant-gardistes, expérimentales, voilà, tous les grands fans de musique avant-progressive, comme on dit, voilà, il faut avoir entendu et connaître les noms de la Nurse with Wound List. Les disquaires commencent à mettre des rayons Nurse with Wound List, et du coup, les disques eux-mêmes sont réédités, du coup, voilà, ils sont sortis de certains groupes absolument inconnus qui ont fait juste un album, bah pas mal de choses ont été rééditées justement grâce à leur apparition sur cette liste. Ça a donné une certaine célébrité. Et c'est cette légende, donc la Nurse with Wound List, que nous avons décidé d'attaquer à bras-le-corps avec nos camarades. Là, c'est la 16e édition. On a appelé ça au pied de la lettre, donc ce feuilleton, puisqu'on va attaquer lettre par lettre, non pas par ordre alphabétique, mais quand même lettre par lettre, un petit peu tous les groupes musiciens qui font partie de cette Nurse with Wound List. Là, c'est la 16e édition de ce feuilleton. Et nous allons attaquer d'ailleurs la lettre F. Alors, je suis seul pour l'instant dans les studios à cause d'une faille spatio-temporelle qu'on vous expliquera un jour. Mais ne vont pas tarder à me rejoindre dans les studios mes camarades Stéphane et Guénolé. Et quant à notre camarade Nico, le quatrième larron de ce soir, il est ma foi trop occupé du côté de l'Outre-Quiévrin pour être avec nous via les voies numériques, mais il a eu la gentillesse d'enregistrer une petite chronique pour nous présenter justement l'un des groupes de la lettre F de cette Nurse with Wound List. Ce soir, je vais vous parler de Faust. Et je vous parlerai en toute fin d'émission d'un autre groupe allemand, Flo de Cologne. C'est hyper intéressant. Vous verrez là qu'il s'est attaqué à la mort et même à la vie d'un industriel allemand qui a fait fortune sous le régime nazi. Le tout avec un savant mélange de musique, de collage d'audio, d'archives. Un truc assez mortel. Franchement, je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette émission, même si elle s'annonce longue. Stéphane, quant à lui, nous parlera de Walter Franco, un Brésilien. Et il nous amènera du côté du Japon, ensuite, avec Food Brain. Et quant à notre camarade Guénolé, il va nous parler de filles qui moussent, pour le coup, des Français de filles qui moussent. Mais c'est Nico Bogert de Radio Panique, notre camarade le plus doué d'entre nous, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a enregistré une petite chronique. Et c'est lui qui va ouvrir le bal, donc, en nous présentant le groupe Family Fodder. Mon ami Nico, c'est à toi. Bonsoir à tous. En ce moment, un grand nombre de concerts très cool ont lieu au cœur de Bruxelles, ce qui signifie qu'il ne sera pas toujours facile d'y être en direct. Si possible, je fournirai une courte contribution par l'intermédiaire d'une chronique enregistrée. Cette semaine, mon attention se porte sur la fantastique collectif Family Fodder, fondé vers 1975. Voici un premier morceau de musique pour vous donner une première idée. Sunday Girl, 1 de Family Fodder. I'm C'était Sunday Girl, hein? Une interprétation de l'œuvre de Debbie Harry, Blondie, du premier album de Family Father and Friends, intitulé Sunday Girls, A Tribute to Blondie by Family Father and Friends. Formé vers 1975, Family Father était très actif. Leur premier mini-album a été enregistré entre 1975 et 1978, oui, à une époque où l'on accordait beaucoup d'attention à la sélection de morceaux qui seraient publiés ou non. Beaucoup de groupes actuels pourraient s'inspirer de leurs idées. La musique de Family Father est un mélange amusant, parfois rythmé, d'éléments acoustiques et de soft rock, le tout mélangé à du punk doux, une sorte de new wave illubérante, à des doublages reggae de la musique classique, à des chants rythmiques français ou des chansons anglaises étranges. En dehors de la plupart des compositions originales, ils ont aussi transformé Erik Satie ou même Franz Schubert en dub. Ils ont également fait une belle version du titre Syd Barrett, No Man's Land. En dehors de ses propres membres, Rick Wilson et Mike Hobbs, le duo de The Works, Charles Bell et Charles Hayward, tous les deux de Deceit, et David Cunningham ou Jody Carter ont parfois participé à certains morceaux. Le premier épisode de Family Father se termine plutôt début des années 80-83, et depuis 8 à 10 ans maintenant, ils ont recommencé, très actifs, mais dans une manière moins intéressante. Les premiers disques ont également réédité avec du matériel supplémentaire, ce qui n'est pas toujours très réussi, mais évidemment, c'est une vision très personnelle. Et donc, on va maintenant écouter un deuxième morceau. Cette fois-ci, ça vient de leur deuxième album, Monkey Banana Kitchen, qui était sorti en 80. Le morceau s'appelle aussi Monkey, et c'est écrit par les deux membres de The Works, entre autres. Profitez du reste du programme et jusqu'à ma prochaine contribution. Ciao, ciao! Kitchen. Go. in the monkey house. Reasons in the monkey house. Reasons in the monkey house. Look in the kitchen. Reasons in the monkey house. Look in the kitchen. I won't ask, you can't tell. We don't buy, they don't sell. Reasons in the monkey house. Look in the kitchen. Lost his marbles in the zoo. Lost his marbles in the zoo. Family Fodder à l'instant sur Radio Radio, donc du coup pour entamer cette tentative d'exploration radiophonique des groupes commençant par un F dans la Nurse with Wound List. Grand merci à Nico qui peut pas être des nôtres ce soir pour avoir enregistré cette petite chronique. Nico, on te retrouve soit en chroniqueur, soit en direct jeudi prochain. Et d'ici là, ben, mes amis Stéphane et Guénolé viennent de me rejoindre dans les studios et on va maintenant parler de Faust. Faust, Stéphane, on a eu l'occasion de voir Faust à plusieurs reprises en concert au festival Rock in Opposition et j'étais resté, moi, sur cette impression de ce groupe industriel et qui fait volontiers péter des tronçonneuses sur scène, qui éclate des écrans télé avec des marteaux, qui met le feu, enfin quelque chose de très industriel. Et je m'étais jamais vraiment penché sur l'œuvre originelle de Faust dans les années 70. Et j'ai fait ça cet après-midi et j'ai pris une méga tarte, vraiment. Ouais, je vais essayer. C'est assez étonnant. Effectivement, j'étais resté sur le même... on était ensemble à ce concert. Et j'avais trouvé ça un peu trop croquignolesque. Effectivement, du feu, des tronçonneuses, tout un fratras, un spectacle qu'on dirait décadent. Mais la musique, sur le moment, moi, je l'avais trouvée assez convenue. Et cette mise en scène ne m'avait pas particulièrement emballé pour écouter la suite de ce groupe et écouter les morceaux originaux. J'en étais resté sur, Faust, c'est sympa. Mais c'est vraiment pour les gars des années 70, genre Michel Bessette. Michel, si tu nous écoutes, ne le prends pas mal. Mais pour moi, c'était vraiment un groupe de cette génération qui avait plutôt mal vieilli. Ben, je suis content de t'entendre dire que c'est pas mal. Et puis, je serais content d'écouter. Et puis, je serais content de te dire, ouais, putain, mais t'as raison, quoi. Voilà. Ben, je vais vous raconter un peu brièvement l'histoire de ce groupe-là. Faust, parce que c'est... on pourrait presque parler d'un boys band, en fait, l'origine de la création de Faust, en tout cas d'une lubie de producteur. Il s'agit d'un producteur qui s'appelle Uwe Nettelbeck, qui décide de réunir les membres de deux groupes différents. Donc on a d'un côté Jean-Hervé Perron, le bassiste, Rudolf Sosna, le guitariste, et Gunther Wulstorff, qui fait du synthé et du sax. Ils ont un groupe... Et par le biais donc de ce Uwe Nettelbeck, ils contactent Polydor pour envoyer une démo. Polydor fait « Ouais, c'est sympa, mais ça manque un peu d'une batterie ». C'est là où Uwe Nettelbeck les met en contact avec non seulement un batteur, mais un deuxième batteur. Donc, ils se retrouvent à 6, puisque les rejoint donc Arnulf Meifert à la batterie et Werner Zappi-Dirmayer à la batterie. Werner Zappi-Dirmayer qui fait toujours partie de Faust à ce jour. Et il me manque un dernier membre en la personne de Hans-Joachim Hermler qui fait de l'orgue. Voilà. Et là, donc, c'est 6 musiciens. Et Uwe Nettelbeck, le producteur, lui, va endormir Polydor. Il va dire, c'est très simple, les gars. Polydor, vous avez là les nouveaux Beatles. Uwe Nettelbeck, lui, sa grande marotte, c'est qu'il se dit qu'il faut, en laissant à des musiciens de l'underground la possibilité, des capacités de travail, des conditions de travail de pro, ça va sortir de la bombe. Et c'est ce qu'il arrive à obtenir de Polydor, pas moins d'un an de résidence. Donc les gars, vous avez votre propre studio, construit par Polydor, pour eux, un an de résidence, un ingé son attribué, et c'est parti, et vous enregistrez votre album, et vous serez les nouveaux Beatles. Voilà, c'est vraiment le projet du producteur. Polydor, ils sont à fond, ok, c'est parti, lâche la maille, et tout, le studio est construit, et un an de résidence, c'est parti, un groupe qui vit de façon communautariste, on a affaire à des gens plutôt branchés à gauche, donc ça vit ensemble, ça compose ensemble, ça écrit ensemble, il n'y a pas vraiment de leader, tout ça, c'est le travail d'un commun, c'est des mots que vous m'entendez souvent dire, j'ai parlé de pas mal de groupes français qui avaient cette façon de travailler là, bah, c'est la même pour Faust. Pourquoi il décide de s'appeler Faust d'ailleurs? Pour deux choses, on peut presque parler d'un jeu de mots, parce que Faust, c'est le point en allemand. Donc, d'ailleurs, le premier album, c'est un point brandi. Donc, voilà, on brandit un point. C'est le côté révolutionnaire, on a affaire à des gens quand même engagés politiquement, qui ont même eu quelques emmerdes avec la police allemande, qui leur a attribué des amitiés avec des groupuscules d'extrême gauche, qui leur a attribué des amitiés qu'ils n'avaient pas d'ailleurs. Hein, mais ça, c'est arrivé à pas mal de. Genre la bande Abadère, tout ça, quoi. Bah, par exemple, voilà. Bon, ils ont eu quelques. Mais bon, c'est jamais allé très loin parce que c'était. Ils avaient beau porter un propos. Post-68ard d'ailleurs, ce sont des gens bien marqués par mai 68, et Jean-Hervé Perron d'ailleurs, francophone, né à Casablanca, passé par la France, trimballer un petit peu cette histoire-là. Mais bon, vu que ces amitiés-là étaient inexistantes, ça n'a pas duré très longtemps, mais toujours est-il que voilà, je reviens à mon histoire de Faust qui reste un an, donc Faust parce que c'est le point, et aussi pour le personnage de Faust, voilà, l'idée de vendre son âme à Polydor, ok, en échange de tranquillité, de possibilité de composer, de travailler dans des super conditions, on a quand même vendu notre âme et notre musique à Babylone, quoi, à la grande, grande maison de disques. Et sort donc le premier album de Faust, qui s'appelle Faust et qui sera renommé plus tard Clear, tout bêtement parce qu'il sort sur un disque vinyle transparent, ce qui était assez rare à l'époque. Maintenant c'est un peu la mode, mais à l'époque c'était assez rare. Je sais pas si c'est ce disque là qu'ont entendu Steve Stapleton et John Fogerty pour décider de mettre Faust dans leur Nurse with Wound list, à vrai dire, et vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer. Tout au long des années 70, Faust sortira des choses qui sortiront un peu de l'ordinaire. Bref, place à la musique. Donc, premier album de Faust, donc Clear, sorti en 1971. On va s'écouter le titre qui introduit l'album. Le titre s'appelle « Why don't you eat carrots ?» Et si vous prêtez l'oreille, chers camarades, eh bien vous entendrez, comme ça au début, là, il y a un petit chaos, et puis on entend un tout petit sample des Beatles, un tout petit sample aussi de Rolling Stones, une façon pour Faust de dire « on va pas du tout faire ça ». Allez, c'est parti, « Why don't you eat carrots ?» We'll be right back. Du hast dich auch verändert in den letzten Jahren. Findest du, ja. Warum bloß? Wahrscheinlich nicht, aber warum bist du denn nicht mehr? Ja, das wäre richtig schön. Wollen wir das machen? Ja. Willst du runtersteigen? C'était donc « Why don't you eat carrots ?» Pourquoi tu ne manges pas de carottes ? Probablement que ça s'adresse à quelqu'un qui n'est pas aimable. Va savoir ce qui s'est passé pendant toute cette année dans ce studio pour sortir donc du coup ce fameux album, donc Faust, album donc éponyme, sorti en 1971 chez Polydor. Bon, alors justement, chez Polydor, c'est pas hyper bien accueilli. Comment dire l'accueil qu'a reçu cet album ? Un très très bon accueil critique. Voilà, alors bon, au niveau des amateurs de musique, effectivement, on souligne la richesse de cette musique, hein, bras nouvelle, qui mélange à la fois du psyché, du prog, il y a de la pop, il y a beaucoup de montage sonore, il y a pas mal d'expérimentation. On a trois morceaux comme ça. Celui-là fait 10 minutes, il y a une magnifique suite qui clôt l'album, là, qui fait toute la face B, qui fait 22 minutes, qui est une petite merveille. Mais je ne pouvais pas tout diffuser ce soir, mais je recommande très particulièrement cet album, ce premier album de Faust, qui est vraiment très réussi. Donc ouais, bon accueil critique. Par contre, au niveau du public, on est quand même très très loin des Beatles ou des Rolling Stones promis. Donc l'album se vend bien, mais sans plus. Et chez Polydor, là, on n'est pas content du tout. On s'est bien fait avoir par Uwe Nettelbeck et on n'est pas très très content. D'ailleurs, tous les tenants de Polydor qui ont signé ce contrat juteux se font virer manu militari. On change un petit peu l'équipe artistique de Polydor. On dit à Faust, bon voilà, vous avez signé pour d'autres albums, donc on est eu. Là, bon, vous devez sortir un deuxième album, mais là, par contre, vous avez 4 mois et vous allez nous faire quelque chose de plus conventionnel, s'il vous plaît, quoi. Donc, du coup, l'album sort en 1972, il s'appelle So Far, c'est donc le deuxième album de Faust, et effectivement, on est sur des formats plus courts. Il y a de la chanson, il y a de la chansonnette. Ça, l'album s'ouvre par un magnifique morceau de pop un peu lancinante et un peu glauque qui n'est pas sans rappeler le Velvet Underground. It's a Rainy Day Sunshine Girl, qui est vraiment une petite merveille. Il y a quand même des pépites, hein, malgré ces contraintes. Cet album, So Far, est assez délicieux parce qu'il... Pour le coup, il n'y a pas de grands morceaux épiques, donc ça s'exprime par des chansons plutôt courtes, mais il y a quand même toute cette richesse de propositions musicales, donc d'un morceau à l'autre, on passe vraiment dans des univers différents. Ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. On va s'écouter... quel morceau on va s'écouter de cet album-là ? On va s'écouter No Harm, qui est le morceau, je dirais, le plus krautrock de cet album-là, parce que Faust est un des premiers groupes à qui les Anglais, le magazine anglais Melody Maker attribuera ce fameux qualificatif de krautrock, sur lequel Guénolé ne cesse de pestiférer depuis le début de ses émissions, parce que c'est vrai que c'est pas très gentil de dire qu'on fait de la choucroute, mais Faust, il s'en fiche complètement, on le verra plus tard, ils ont même écrit un morceau qui s'appelle krautrock. Voilà, donc pas de souci pour eux. En attendant, on s'écoute donc No Harm, tiré donc de cet album So Far, qui est le deuxième album de Faust, sorti en 1972. Thank you. No Harm, donc tiré de l'album So Far. Steph, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, toute cette musique ? Eh bien, ma foi, oui, effectivement. C'est en fait, je pense, le spectacle qu'on avait vu qui ressemblait à un vaste happening qui m'avait un peu plus bloqué, je pense. Effectivement, là, je redécouvre la musique sous un autre angle. qui est ma foi, tout ce qui se fait dans les années 70, dans le style prog, on n'arrive pas à coller une étiquette, et c'est ça qu'on aime bien dans ce genre d'émission, enfin dans ce genre de musique, dans notre émission plutôt. Et donc voilà, oui, c'est plutôt surprenant. Effectivement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, à part à des gars qui fassent de la tronçonneuse et qui allument un feu, mais... Eh bien écoute, je vais continuer à essayer de te surprendre, parce que comme je te disais, cet album So Far, il est vraiment très éclectique. Il y a une petite bluette notamment qui est très très belle, là, limite, à la limite de la guitare, quasiment que de la guitare acoustique. Il y a ce morceau là, très Velvet Underground, dont je te parlais tout à l'heure. Et il y a ce I've Got My Car and My TV, qui pour le coup va peut-être chercher un petit peu plus du côté de Frank Zappa. En tout cas, il y a un petit peu plus d'humour, que ce qu'on a entendu jusqu'alors. Et c'est pas pour nous déplaire, donc c'est parti. I've got my car and my TV. You and your fun know what to do, and I do. So my teenage dreams are colorful and done. Don't you like everybody? Don't you like everybody? Yesterday, no, not to deepen. We had three hands close to the other side. Suddenly there was a red cloud. A finger came out and said, those cows are right. What would you say if this is what just happened to you? We'll be right back. I've Got My Car on My TV, toujours tiré du deuxième album So Far, le deuxième album du groupe Faust. Continue sans transition avec une petite vignette assez délicieuse qui va plutôt chercher cette fois-ci du côté du rock de chambre et ça s'appelle Picnic on a Frozen River. Je vous avais prévenu que c'était une courte vignette. Ah oui, effectivement. Tu as même été surpris. Ah oui, moi-même, je me suis fait avoir. Ouais, et tout cet album, So Far, c'est comme le premier. Hein. J'aurais pu vous le passer en entier que franchement, vous y auriez trouvé votre compte. Le titre So Far, qui est un instrumental, est vraiment délicieux. Il y a une chanson dont le nom m'échappe, qui a la particularité de reprendre un thème de Why Don't You Eat Carrots et puis de le développer. Et ça, c'est un truc qu'ils font assez souvent, Faust, enfin, qu'ils vont faire plusieurs fois au cours de leur carrière, de reprendre le thème d'un morceau pour l'intégrer dans un autre morceau, de faire des medley, des petites auto-citations assez délicieuses. Bon, cet album, So Far, ne rencontre pas forcément plus de succès que l'album précédent. Enfin, toujours pareil, quoi. Gros succès critique, mais au niveau du succès public, ça a beau être l'âge d'or du krautrock 1972, le public allemand a beau être aventureux, ça marche pas plus que ça. Ça marche en Angleterre, beaucoup, mais ça marche pas spécialement en Allemagne. Donc Polydor arrête les frais là, casse le contrat et allez, barrez-vous, Faust, on peut plus entendre parler de vous. Donc Faust se retrouve sans maison de disques. Mais voilà, qui arrive à ce moment-là? Le bon vieux Richard Branson. Et sa maison de disques Virgin, qui à l'époque, voilà, quand on parle de Virgin maintenant, on pense au Megastore, on pense aux fusées, on peut penser à pas mal de choses assez dégueulasses. Mais à l'époque, en matière de musique, Virgin était vraiment un label hyper aventureux qui avait signé beaucoup de très beaux noms des musiques progressives. Je ne parle pas de grands noms, mais de beaux noms. Il y a du Henry Cow, du Hatfield and the North. Je crois que Magma est chez Virgin à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Mike Oldfield, en tout cas. Enfin bref. Pour le coup, les musiques aventureuses sont vraiment les bienvenues sur Virgin Records. À ce moment-là, on ne parle pas vraiment de chercher du succès, mais de vraiment de mettre en avant ce qui se fait de novateur en matière de musique. Du coup, voilà, Virgin contacte Faust. Ok, vous n'avez plus de maison de disque. Ben moi, je vous signe, pas de problème. Allez, c'est parti. Signature, contrat. Et Virgin fait une chose vraiment étonnante pour fêter cette signature. C'est qu'il décide de sortir, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'album en préparation chez Faust. Ils sont, voilà, on y pense, mais on n'a rien de vraiment précis, on n'a pas matière à faire un album. Pas de problème, le premier album de Faust chez Virgin sera une espèce de... s'appelle The Faust Tapes, et ce sera une compilation de prises, de tentatives, d'exercices, de studios, de tout ce qu'ils ont jeté, qu'ils n'ont pas utilisé pour les albums. En fait, il y a quelques chansons, il y a 4 chansons en tout, et 18 exercices, comme ils les appellent eux-mêmes. Il y a pas mal de chansons qui n'ont pas de titre, d'ailleurs, qui sont untitled. Et sinon, c'est par exemple exercice avec with several hands on the piano, avec plusieurs mains sur le piano, et exercice with voices, drum and sax, avec voix, batterie et sax. On va s'écouter ça, c'est les deux titres qui ouvrent l'album, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce Faust Tapes. Alors c'est parti, donc exercise with several hands on the piano, suivi de exercise with voices, drums and sax. Et voilà, ça c'était pour les petits exercices qu'on retrouve. Il y en a beaucoup, hein, il y en a 18 comme ça, des petites pistes de 30 secondes, 50 secondes. C'est assez étonnant hein, que Virgin veuille sortir ça, mais ça s'écoute avec un certain plaisir. C'est justement ce côté format court. Bon, mais s'il y a un des exercices, une des impros qui te plaît pas, bah, t'inquiète pas, elle dure que 40 secondes. La suivante te plaira peut-être. Et Virgin met les grands moyens sur la sortie de cet album, puisque c'est un LP, quoi, c'est un album entier qui est vendu au prix d'un single, qui est vraiment vendu pas cher, justement, pour populariser la musique de Faust. Je suppose qu'ils avaient tous les droits sur les répètes. Oui, ça n'a pas dû coûter bien cher en production, donc en avant pour faire connaître le groupe, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça, ouais. Carrément, c'est un peu comme s'ils sortaient une démo, à part que bah, c'est sous la forme d'un album entier qui s'écoute avec un certain plaisir, hein, toujours. C'est plus le même Faust. Enfin, en tout cas, voilà, on retrouve des bribes de ce qu'on a pu entendre dans les deux premiers albums, mais comme ça, développé de façon encore plus courte. Et puis, quelques chansons assez sympathiques, dont celle qu'on va s'écouter de suite et qui s'appelle « J'ai mal aux dents ». Et on est toujours dans les années 70, mais ça fleure un poil la cold wave expérimentale des années 80, enfin la musique synthétique, enfin, ça part un peu vers ces horizons-là qu'on avait à peine entrevu jusqu'alors dans Faust. Il y a un titre dans le deuxième album dont j'ai oublié de vous parler qui part un petit peu dans ces choses-là, mais pour l'instant c'était à peine des bribes. Là ça prend un peu plus de corps. Un très bon morceau, ce « J'ai mal aux dents ». So I don't need today. An echoes of my love to burn right into your 7-hour turn. An echoes of my love to burn into your 7-hour turn. An echoes of my love to burn into your 7-hour turn. The problem is not the only pain. We'll be right back. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds aussi, j'ai mal aux dents, donc tiré de Faust Tapes, sorti en 1973 chez Virgin, donc cette espèce de compilation improbable de petites pistes à droite à gauche d'expérimentation et de quatre chansons fort réussies, enfin ça c'est celle que je préfère, il y a Cher Chambre qui clôt l'album qui est hyper belle aussi, un brin érotisante, là on reconnaît la petite touche chanson française de notre ami Jean-Hervé Perron qui est aussi passé par là, beaucoup d'influences hein, qui nourrissent ce groupe et qui font que bah, justement... C'est pas un simple groupe de krautrock comme les autres et qui nous propose vraiment un son hyper varié et vraiment chouette. Et c'est très très agréable de se faire l'exploration radiophonique de l'œuvre de Faust. Je suis très content de cette découverte sur laquelle j'aurais dû me pencher bien plus tôt. Alors, du coup, la Nurse with Wound, on sait que ce groupe, je crois que c'est 79, 80 79, ouais. Donc, tous les albums que tu nous as passés, évidemment, datent de. Ils les ont écoutés, c'est ça qui les a influencés, parce qu'il faut rappeler que dans cette émission, nous ne passons, si possible, et en général c'est le cas, que des morceaux issus d'albums qui les ont directement influencés. Donc là, on est en plein dedans, quoi. Tu nous fais pas un petit portrait de Faust en loose day, là, et hop. Non, en plein. Je saurais pas te dire exactement ce que Stephen Stapleton et John Fogerty l'ont écouté, s'ils ont écouté les quatre albums. Mais en vrai, si on écoute, et là, faudrait que notre camarade Nico soit des nôtres, et peut-être même que Nurse with Wound s'est amusé à reprendre du Faust. Je crois même qu'ils ont collaboré ensemble dans les années 90, quand Faust s'est reformé. En tout cas, oui, c'est dans les expérimentations sonores, tout ce qui est du domaine du collage, de la noise, de la recherche de bruit, et du côté krautrock à proprement parler. Oui, on sent bien que c'est Nurse with Wound a écouté Faust, et ils sont pas là par hasard dans la liste. Après cet album, voire même avant d'ailleurs, j'ai du mal à passer, c'est la même date, en 1973, Faust sort un album en collaboration avec le compositeur et réalisateur aussi de films d'ailleurs, compositeur d'avant-garde américain Tony Conrad. Outside Dream Syndicate, c'est le nom de l'album, c'est deux longues pistes drone de 23 minutes, c'est mortel, mais vraiment. Enfin, surtout la phase B qui fait 26 minutes. Je vous la passerai pas ce soir, mais vraiment, je recommande. Alors là, on se pose sur le canapé, on écoute, on se laisse vraiment bien embarquer. Ça prend le temps, ça développe lentement, mais sûrement. C'est hyper beau, vraiment un album très très réussi. Et pour la suite des aventures avec Virgin, sort l'album Faust 4, tout bêtement. Enfin, IV 4, 4 en lettres. En lettres romaines, qui démarre par un titre qui s'appelle Krautrock. Donc les gars, on n'a rien à faire, ok, vous nous dites qu'on fait du rock choucroute, pas de problème, le morceau va s'appeler Rock choucroute, et on dirait vraiment que c'est un espèce de... Ah, je trouve pas le mot, j'aurais dire plaidoyer, mais non, mais enfin c'est une espèce de revue de ouais, c'est ça le Krautrock, quoi. Et là, pour le coup, on prend... succès d'année. Sucé d'année, merci Stéphane. Vraiment, on prend tout Amondoul, tout Cannes, tout ça dans la face. Ce titre est vraiment délicieux. Il fait 12 minutes, je vous le passerai pas. Mais je recommande particulièrement Best Album, Faust 4, qui est l'album, je crois, qui aura le plus de succès. Encore une fois, succès critique. Hein, ça, c'est toujours pareil avec Faust, mais vraiment un gros succès critique. Il est considéré maintenant comme un des piliers de la musique krautrock. Cet album, il fait partie de la liste des 100 albums qu'il faut absolument avoir écouté avant de mourir. Enfin, c'est un album qui aura vraiment marqué l'histoire de la musique, pas marqué le public. Hélas, mais ça c'est une constante un peu chez Faust, hein. C'est un petit peu la loose au niveau du succès public, ça les empêche pas de rencontrer des bonnes maisons de disques, de travailler dans des bonnes conditions, mais et de sortir des albums magnifiques. Et je sais pas pourquoi ça prend pas, parce qu'il y a vraiment d'autres groupes à l'époque pas moins aventureux qui cartonnent, mais eux il y a quelque chose qui se passe pas. Et d'ailleurs cet album Faust 4 sera le dernier album du groupe. Ils disparaîtront, ils se sépareront en 75 avant de se reformer dans les années 90 sur des choses plus industrielles, plus métalliques, avec des shows plus spectaculaires comme ce qu'on a pu voir, Stéphane, ensemble à Rock in Opposition. Donc pour terminer cette exploration de l'œuvre de Faust, donc un titre de l'album Faust 4, on va s'écouter Gigi Smile, qui se termine justement par une citation d'un morceau qu'on a entendu plus tôt, justement, quand je vous disais qu'il faisait un peu dans l'autocitation par moment. Allez, c'est parti, Gigi Smile. Du métacrotrock. We'll be right back. Les plus observateurs d'entre vous auront reconnu donc à la fin de ce Gigi Smile une citation du thème de I've Got My Car and My TV qu'on a écouté plus tôt. Eh ben tu vois, j'étais en train de me dire c'est marrant ce que Zappa puisqu'on parlait d'I've Got My Car and My TV en disant c'était très zappaïen. Et je me disais, cette fin est encore une fois de plus zappaïenne. Ben justement, voilà, ceci explique cela. Ouais. Ouais, je crois que Faust aurait mérité qu'on y consacre 2 heures, parce que cet album Faust 4 aussi est extrêmement, extrêmement recommandable. Mais on va passer à la suite de cette liste. Qu'est-ce que je peux dire de plus en addendum ? Oui, notre ami Nico, qu'on a entendu tout à l'heure nous chroniquer Family Fodders. Nico a reçu Jean-Hervé Perron dans son émission Mokral's Law sur Radio Panique, une longue interview entrecoupée de morceaux choisis, c'est 2 fois 2 heures. J'ai écouté la première émission qui m'a bien aidé pour préparer celle-ci, donc autant citer cette source, en plus c'est une source copine que notre ami Nico et Radio Panique. Donc je vous recommande d'écouter cette émission. Belle interview de Jean-Hervé Perron qui explique un peu comment ça s'est passé tout ça à l'époque, un peu l'ambiance, la couleur du temps, des tas de choses que j'ai pas spécialement précisé. Et un beau choix de morceaux, pas les mêmes, je suis content. Mais en tout cas, pareil, si vous voulez continuer cette exploration avec des gens qui parlent au milieu et des explications, ben, je vous invite à écouter cette émission sur les podcasts de Radio Panique. Il est 22h23 sur Radio Radio, vous nous écoutez sur 106.8 FM. Ou alors vous nous écoutez dans les Mixcloud de Vraiment Autre Chose ou de Radio Radio, vous êtes peut-être allé sur le blog de Vraiment Autre Chose, ou peut-être qu'on est un vendredi soir sur deux et que vous nous écoutez sur Bram FM, c'est la petite nouveauté, nos camarades de Bram FM du côté de Tulle et de Brive qui retransmettent maintenant Vraiment Autre Chose, et on les salue et on les remercie. De plus en plus d'oreilles peuvent écouter au pied de la lettre et ça fait plaisir. Salut, au hasard je dirais qu'il est 23h15 chez vous. Allez. Alors, on peut pas être sûr parce que ça va être remonté cette émission, mais on... Allez, à peu près. À peu près, ouais, approximativement. Voilà, que dire de plus ? Bah, beaucoup de... Voilà, Faust en 4 albums, enfin 5 albums pour être précis, a vraiment beaucoup marqué l'histoire de la musique, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Beaucoup de groupes se revendiquent de Faust. Certains groupes ont même, on peut carrément parler, ont copié un petit peu le style de Faust. Mais personnellement et de façon cyclique, je préférerais toujours Faust aux copies. Mais bon, chacun fait son choix et chacun fait comme il peut à ce niveau-là. Tu nous emballes bien, là, effectivement. Ben voilà, c'est ça de signer chez Poulidor. Ben oui, j'allais le dire. Et ben, Steph, d'ailleurs, si t'allais le dire, et ben on va laisser la parole à Guido. Ben évidemment. Ben merci, c'est fort aimable à vous. Alors, il y a des soucis techniques. Et puis moi j'ai oublié mes notes, mais bon bref, on va tellement fort que tu vas faire 100. Ouais voilà, on va y remédier, mais bon je suis un peu aidé grâce à un outil technique pour le coup. Mais donc ouais, je vais stylo. Ouais, Bic. Fic, on va être F pardon. Alors du coup je vais vous parler d'un groupe français donc qui a fait un album au début des années 70 qui s'appelle Fille qui mousse, qui apparemment aurait pu s'appeler Supermarket, en référence à Warhol. Donc, je sais même pas d'où, quelle est l'œuvre de Warhol, Supermarket. Ce qui fait que si c'était appelé comme ça, on n'en aurait pas parlé en ce moment, tu vois. Exactement, donc c'est un heureux hasard. Merci, merci donc à Henri-Jean Hénu, qui est un peu la figure... autour de laquelle la fille qui mousse s'est constituée, qui est un plasticien, journaliste et une personne engagée. Donc lui, il a été notamment engagé dans les prémices du situationnisme, le lettrisme. Le lettrisme, c'est un mouvement littéraire qui s'attache à la poétique des lettres, à la poétique des sons, qui se détache en tout cas de l'usage des mots et qui est assez... onomatopesque presque, qui pourrait faire penser à des gens dont on a fait passer quelques paroles, si je ne me trompe, Manu. Ouais, carrément, ouais. Enfin, j'ai Sébastien Lespinasse. Voilà, exactement, des, merci. Des poètes comme ça, Charles Penquin, qui, oui, carrément, se réfère du lettrisme. Ouais, voilà. Et donc, du coup, voilà, donc le lettrisme qui est d'abord ce petit mouvement littéraire, mais qui s'est ensuite un peu plus étendu, c'est Isidore Isou qui a un peu conceptualisé ce mouvement, qui a voulu un peu l'étendre à autre chose que l'art littéraire. Et du coup, j'ai lu ça sur l'internet. C'est assez bien dit, donc je vais me permettre de paraphraser. Mais en fait, il va se définir comme un mouvement culturel fondé sur la novation dans toutes les disciplines du savoir et de la vie. Donc voilà, donc le savoir et la vie, c'est aussi la musique. Et c'est pour ça que Henri-Jean Hénu et ses comparses, donc je n'ai pas tous les noms, sont attelés à faire un groupe de musique, à faire un album. Donc ils ont fait un album qui, ça je vous le dirai un peu après, toute l'histoire de cet album, qui est en gros composé sur, je crois qu'il y a 11 morceaux, et le premier et le dernier morceau sont des morceaux un peu plus longs qui ont été un peu estampillés crotte-rock, et puis un peu à juste titre. Mais au milieu, c'est plus vraiment de l'expérimentation, du collage sonore, des enregistrements un peu bruts comme ça. Et du coup, je vais commencer par vous proposer d'écouter quatre morceaux consécutifs qui sont entre 1 minute et 2 minutes maximum, mais dont j'ai le plaisir de vous dire les titres, parce que c'est là dont on peut voir la référence au mouvement littéraire du lettrisme initial. Alors le premier s'appelle Bubble Gun à Jacqueline Prothèse. Le second, c'est Tibora Parisalia. Le troisième, c'est Princesse Nuage. Et enfin, c'est Gibert Jasmin Ordination. Thank you. Donc voilà, vous venez d'écouter Fille qui mousse avec ces quatre morceaux. Je ne résiste pas au plaisir de vous les nommer une fois de plus. Bubblegum à Jacqueline Prothèse, Tibora Parisalia, Princesse Nuage, JB, Jasmin Ordination. C'est pas facile à dire tout ça. Hein. On devrait faire ça pour le concours de l'ENA, quoi. Un peu de... Pour les concours d'élocution ? Ouais, exactement. Ouais. Je pense que... Puis tout ça en mettant un fond sonore de ce groupe. Je pense que ça pourrait un peu trémousser l'ENA. Ouais, je suis quasiment persuadé que dans tous ces noms que tu viens de dire, il y a des jeux de mots ou des jeux sur les mots qui nous échappent complètement. Bien il y a sûr. Bubblegum, déjà, bon voilà. Bubblegum, ça c'est mais sûr. Mais Jacqueline Prothèse, JB Jasmin Ordination, faudrait creuser tout ça. Oui, et à noter qu'ils voilà, ils mettent des majuscules aussi, elles sont placées pas n'importe comment. Et elles sont placées, donc voilà, donc album qui est sorti en... Non, il n'est pas sorti. Il a été enregistré en 71 avec le label Futura Records, mais il y a eu des problèmes de pressage, de production, enfin bref, plein de soucis qui a fait que cet album n'a pu sortir que 2 ans après et que sous une dizaine d'exemplaires. Donc voilà, donc c'est ce qui a fait un peu... de ce groupe, un groupe mythique, voilà, il suffit de quelques pièces d'or pour qu'elles deviennent vraiment de l'argent, quelques pièces d'argent qui deviennent de l'or. Et donc voilà, donc vraiment un groupe un peu cantonné à une très faible notoriété dans le bassin parisien, mais sans compter sans Steven Stapleton qui va le placarder sur son album et qui va devenir du coup, qui va permettre à ce groupe Fille qui mousse d'acquérir une notoriété plus internationale et encore plus majestique. À noter que cet album a été enregistré au studio Europa Sonore. Alors moi je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Ouais, bah, je ne sais pas, ils avaient plusieurs studios dans ce bassin parisien. Mais y a des grands noms qui ont enregistré. Il y a eu Brigitte Fontaine, Hugo Frey, Jean-Luc Ponty, et même Tina Turner, tout ça. Enfin, voilà. C'est un studio qui a duré, je crois, pendant une quinzaine d'années ou un peu plus, et qui a enregistré des groupes assez éclectiques. Ouais, éclectiques, avec une grande notoriété. Et ce groupe. Donc voilà, il fallait le mentionner. Et à noter que du coup, voilà, je vous disais que à sa première sortie, donc, il n'y a eu qu'une dizaine d'exemplaires. Mais du coup, dans les années 90, il a pu être réédité plusieurs fois sur plusieurs labels et sous divers noms. Et le premier nom de cette réédition, c'était Trixie Stapleton 291. Donc c'était un gros clin d'œil à notre ami Steven qui nous accompagne tous les jours pendant ses hors-séries. Et ensuite, il a été réédité pour un nom final, Se taire pour une fille trop belle. Donc voilà, ça c'est la dernière réédition avec le nom final. Donc c'est ce que nous entendons. Et on va terminer par un dernier morceau qui est le premier de cet album, comme je vous disais, qui est un petit peu plus long, qui dure à peine 6 minutes, qui s'appelle Barbara Lohengrin Speedway. Et là, voilà, on a un peu plus de rythmique, de basse et de guitare. Thank you. Et voilà pour ce premier morceau, mais qui clôt ma petite chronique, puisque je suis un chroniqueur, de Flikimousse, groupe éphémère, mais bon, dont les bulles résonnent à nos oreilles. Et en parlant de bulles, je vais passer le micro à mon voisin de gauche, à mon camarade de gauche, même si c'est un gros pléonasme, camarade de gauche, à mon camarade, du coup, Stéphane, qui va nous parler de Walter Franco. Eh ben, tout à fait. Moi, avant, je voulais juste dire, c'était trop bien. Ah oui. J'ai vachement aimé les titres expérimentaux et puis cette petite piste un peu crotte qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais les quatre morceaux expérimentaux que tu as mis, c'était hyper chouette. Ça donne envie d'en écouter plus. Ben ouais, mais je vous invite, on trouve ça assez facilement. Bah, c'est ce que vous disiez, chez tout bon disquaire qui se respecte. Disquaire indépendant, évidemment. Donc, je vais vous parler de Walter Franco. Walter Franco, c'est un musicien brésilien, plus précisément un chanteur et guitariste, qui naquit en 1945 et mourut en 2019. Petite nécro, c'est parti. Bon, mais merci, au revoir. Donc, c'était pas déçu du Covid. Non, voilà, si vous vouliez savoir, c'est un petit peu de croustillant. Non, pas du tout. C'est anti-Covid. Un célèbre magazine qui porte le nom d'un groupe anglais plus ou moins quand même très célèbre, faut pas mentir, qui s'amuse à faire des listes, les 100 meilleurs batteurs, les 100 meilleurs trucs, les 100 meilleurs, enfin bref. Là, ils ont fait les 100 meilleurs albums brésiliens. Et Walter Franco est connu pour être donc dans la liste du magazine Rolling Stone sur je ne sais pas quelle position pour son album Revolver de 1975. Nous, ce qui va nous concerner, c'est plutôt l'album Who Now, son premier album de 1973. Que dire sur Walter Franco ? Ce n'est pas l'artiste brésilien le plus connu. On connaît tous, quand on s'intéresse à la musique brésilienne, les musiciens de MPB, les classiques Gilberto Gil, etc., ou les créateurs de la bossa nova. On connaît aussi Sepultura, pour ceux qui aiment le métal. Mais, et dans le jazz, on connaît aussi Hermeto Pasquale. Ah, et oui. Walter Franco, on va le classer un petit peu dans le genre Hermeto Pasquale. Il n'est pas aussi foufou, il n'utilise pas forcément les mêmes instruments et il est surtout guitariste, donc et il est un peu plus folk, il est un peu plus rock que free jazz par rapport à Hermeto Pascual. Mais dans cette forme de free rock, rock expérimental, je dirais qu'il se rapproche tous les deux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est un peu pascualien ? Allez, si ça te fait plaisir, il est un peu pascualien. Allez, tout à fait. Ben écoute, on va s'écouter un premier titre pour le coup. Alors, je vous ai parlé d'Hermeto Pascual, je vous mettrai un titre effectivement moi qui m'y a fait penser. Mais pour le coup, on va écouter le titre qui ouvre l'album. Et donc, j'ai écouté ça. Écoute, tu m'as dit, c'est toi qui fais les chroniques, mon cher ami, de Walter Franco. Et première écoute, j'ai dit, tiens, voilà de la musique folk brésilienne inspirée par David Bowie. Ça va me changer de la bossa nova assez classique, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà, ça va me changer un petit peu. Et donc voilà, Mixtura Sao, et vous me direz après, et on écoutera d'autres. Eu quero que esse afeto saia já! ça fait ça. Eu quero que se te cá. Eu quero que se afet ça. Já. E vermelho natural no rosto e no lençol. Com gosto de água e sal, misturando o bem e o mal. Quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Eu quero que esse teto caia. Eu quero que esse afeto saia. Tu me disais, tiens, ça me fait aussi penser aux Rolling Stones. J'y avais pas pensé, mais c'est très. Je trouve ce morceau et pas l'album, voilà, assez influencé par le rock anglais de cette époque-là. Faut dire qu'au Brésil, dans les années 70, c'est une sale dictature militaire. Les rares musiciens qui osent s'opposer à cette dictature, ben c'est justement les ceux qui sont devenus fameux par la suite, les Gilberto Gil, le mouvement MPB, Musique Populaire Brésilienne, avec aussi Maria Bethania, des tas de chanteuses, Elis Regina, enfin des gens fabuleux qui grattaient bien et qui, du fait de leur popularité, pouvaient pas aller forcément en prison. Enfin voilà, c'était le poil à gratter du gouvernement brésilien à cette époque-là, du moins de la junte militaire en place. Et lui, Walter Franco, ben, il suit pas non plus ce mouvement un peu qu'on qualifie aussi de tropicalisme. Il y est, hein, il est brésilien, donc il chante en brésilien. On va sentir plus tard quelques influences de son pays, c'est tout à fait naturel. Mais il ose le côté expérimental, un petit peu comme Battiato en Italie, voilà. Il y a plusieurs musiciens comme ça de par le monde qui osent le côté expérimental en partant du rock et pas du jazz comme Hermeto Pascoal, j'en parlais tout à l'heure. On va s'écouter un petit titre, justement, expérimental, Flexa. Une sorte de polyphonie en quadriphonie. Si vous avez le casque, vous allez entendre à droite, à gauche, etc. On tâte dans le collage, il y a beaucoup de chants. Expérimental, quoi, mais sympa. Flexa. Ok, volte, o pé também. E um olho na barra. E a barra no. o toque na testa e até. Está no pular. E o claro na moita e a moi. Oi, oi. Ué, que susto na flecha, e a flecha, e a flecha, e a flecha, e a flecha na cara. E o olho na barra. E a barra no. Testa e até. Está no claro. E o claro na muita e a muita. Ui. Estamos. E o susto na flecha, e a flecha, e a flecha, e a flecha, e a flecha na cara. E o olho na barra. E a barra na. E a barra no. Le silence qui a après Walter Franco est encore du Walter Franco. On continue avec Chachados et Perdid. Et ce morceau me fait penser un petit peu à Hermeto Pascual, puisqu'on y retrouve l'instrument emblématique qui est l'accordéon. Hep. Hep. Hep. Hep. Hep. Hep. Hep. Eu bem profundo, pra não perder um minuto, um segundo, pra não perder. Eu mergulho bem profundo, pra não perder um minuto, um segundo, pra não perder. Aqui tudo que eu desconheço, aqui tudo. Se tá chachado, ha, ha, não tá perdido, ha, ha. Se eu tô com ele, ha, ha, ele tá comigo. Se tá chachado, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo, ha. Aqui tudo que eu desconheço. Aqui tudo que eu desconheço. Se tá chachado, ha, ha, não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado, ha, não tá perdido. Tem que atacar, mas eu tô com ele, ha. Thank you. tá chachado não tá perdido. Se tá chachado não tá perdido. Se tá chachado não tá perdido. Se tá chachado não tá perdido. Se tá chachado não tá perdido. Se tá chachado não tá perdido. Se eu tô com ele, tá comigo. Se tô com ele, ele tá comigo. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Se tá chachado não tá perdido. Se eu tô com ele, ele tá comigo. Tá chachado no carro, tá perdido. Tô com ele, ele tá comigo. Aquilo tudo que eu desconheço. Aquilo tudo que eu desconheço. Eu desconheço. Aquilo tudo que eu desconheço. Aquilo tudo que eu desconheço. C'était donc Chachados y Perdid de Walter Franco. Voilà, ça faisait un peu plus Hermeto quand même, non? Ouais, carrément, ouais. On est d'accord. Plus brésilien d'ailleurs. Oui, aussi. Et pour terminer sur cet album donc, qui s'appelle Who Now, on va écouter. Moi, je me suis mis des notes là, comme ça, là, tatate, vite fait. Et j'ai trouvé ce morceau assez joli, mélodie pop. Ce serait un peu comme si João Gilberto, le créateur de la bossa nova, aurait rencontré justement Hermeto Pascoal. Donc, mix assez étrange. Porum Tris. De não ouvir tudo que seu mestre não diz. Uma boca e um nariz pra gostar e pra fugir do pecado e da solidão. Por instinto de conservação. Ser feliz. Tem dois olhos por se abrir. Tudo está por um triz. Um segredo pra ser feliz, pra gostar e pra sorrir. Sem pecado, sem solidão, por instinto de conservação. Ser feliz. Tem dois olhos por se abrir. Tudo está por um triz. Tem dois olhos por se abrir. Tudo está por um triz. Tem dois olhos por se abrir. métronome qui joue après la musique de Walter Franco appartient à Walter Franco. C'était donc Walter Franco avec l'album Who Now. Et donc, ce monsieur fait partie de la Nurse with Wound list. Cette même liste que nous tentons d'explorer depuis 16 émissions. Enfin, en tout cas, c'est la 16e. Et depuis quelques heures à cette antenne, vous êtes toujours sur Radio 106.8. Et merci de rester à l'antenne en espérant que le programme vous plaît. Je vais reprendre la parole pour parler d'un revenir en Allemagne. On était tout à l'heure avec Faust, on y retourne avec Flo de Cologne. Flo, F-L-O-H, de Cologne, tout bêtement, parce que c'est un groupe qui était formé en 1966 par un collectif d'étudiants anarchistes issus de l'université de Cologne, d'où le nom de Flo de Cologne. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi Flo, mais en tout cas, de Cologne, ça s'explique. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots avec l'eau de Cologne. Probablement, mais... Je ne saurais dire, je n'ai pas trouvé trop d'infos là-dessus. Ça aurait pas amusé à mettre le 2 devant s'il n'y avait pas eu le jeu de mots, je pense. Mais Flo, je ne parle pas allemand et je ne peux pas te dire ce que ça veut dire. Oui, je pense que oui, le jeu de mots est volontaire. Et sur Flo, je ne sais pas, on se renseignera peut-être un addendum à la prochaine émission ou alors sur le blog de Vraiment Autre Chose que vous pouvez explorer à tout moment en tapant Vraiment Autre Chose haut et fort sur un moteur de recherche. Et là, aux joies, au bonheur, c'est nos 182 émissions précédentes qui s'offrent à vous des heures et des heures d'écoute et d'exploration radiophonique. Moi, je vais rester sur Flo de Cologne, groupe dont je vous parlais, donc d'étudiants anarchistes. Donc, on a affaire à un groupe très politique, avec des textes donc très politiques. Premier album qu'ils sortent en 68 s'appelle Vietnam, qui est un brûlot, donc une critique sur la guerre du Vietnam. Là, je vais m'arrêter sur leur cinquième album qui s'appelle Geyer Symphonie et qui sort en 1973. Et cet album célèbre la mort. Célèbre carrément la mort de Friedrich Flick et puis raconte aussi sa vie. Friedrich Flick, qui est-il ? C'est un industriel, fondateur de la dynastie Flick, membre et fondateur du parti nazi. Et un très bel homme qui a profité, entre autres, pendant la guerre des liquidations des propriétés juives pour se les accaparer, qui a été un producteur des armements d'Hitler. Et ses usines étaient célèbres, notamment pour utiliser des prisonniers qui venaient des prisonniers qui travaillaient pour lui dans les camps de concentration. Autrement dit, un très bel homme, et on peut comprendre que ce groupe ait voulu célébrer sa mort. Ce brave monsieur, Friedrich Flick, a été jugé et condamné pendant les procès de Nuremberg à 7 ans de prison. Il en a fait que 3 et il est arrivé à garder ses sous. Et même sorti de prison, il a continué à amasser sa fortune, et c'est en tant qu'une des plus 10 plus grandes fortunes mondiales qu'il est mort en 1972, libre et fortuné. Il y a de quoi être vénère, il y a de quoi pas être content. Et on peut comprendre que les flots de Cologne aient voulu s'emparer de cette histoire-là pour dénoncer un petit peu l'aberration que ça pouvait être. Et donc, pour sortir cet album, Geyer Symphonie, on retrouve tout ce qui fait le sel de ce groupe-là. On reste dans des tonalités, on reste pas très loin de ce qu'on a entendu tout au long de la soirée. Il y a encore beaucoup de collages sonores, une petite touche rock progressif allemand, krautrock, mais là faut vraiment insister pour dire que c'est du krautrock. Non, c'est plus du collage, hein. Il y a beaucoup de collages, il y a des extraits notamment de procès de Nuremberg, il y a quelques très très belles choses qui se passent aussi en musique. Voilà, c'est un album concept. J'ai choisi le deuxième titre qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, excusez-moi, je n'ai pas toutes mes notes avec moi, et en fait, quand bien même je les aurais, j'ai pas pensé à noter ça. Il s'appelle Satz Danse Macabre, Toten Dance. Rien à voir pour le coup, pas de citation de... Camille Saint-Saëns. Voilà, pas du tout. Pour le coup, non, c'est juste le titre qu'ils ont donné à ce morceau-là, qui dure plus de 13 minutes. Voilà, ça explique bien ce qu'est Flo de Cologne. J'ai tenté de jeter une oreille à d'autres albums. Pour le coup, la chose musicale y est beaucoup moins présente, donc on est beaucoup plus dans le textuel. Et comme je ne suis pas très familier avec la langue de Goethe, je me suis un petit peu ennuyé. Là, pas trop. Là, cet album-là, pour le coup, effectivement, il y a des passages parlés en allemand, mais il y a quand même tout un travail de collage et puis des parties musicales à elles-mêmes qui sont très réussies et qui fait que c'est un album qui s'écoute de façon agréable. Et je réponds à ta question avant que tu ne la poses. Oui, ça a forcément influencé Nurse with Wound. Là, pour le coup, tout le côté collage, rapiéçage, traficotage, on est vraiment en plein dedans. Allez, c'est parti donc avec Danse Macabre, c'est Flo de Cologne sur Radio. Beatles. Er stiftete das Friedrich-Flick-Gymnasium, dem Altenheim Salem stiftete er 1 Million, den Nazis 7,65 Millionen, er spendete eine Kirchenorgel für Kreuztal, Himmler holte sich persönlich bei ihm die Wahlspende ab, er schenkte dem örtlichen Museum ein Rubensbild und Goebbels zum Geburtstag auch immer ein Gemälde, er spendete Hitler durch seine Anwälte das Arisierungsgesetz. Er zeigte sich sogar Künstlern gegenüber großzügig. Und an der Börse nannte man ihn den Geier. Liebe Familie Flick, meine Damen und Herren, mein bester väterlicher Freund ist nicht mehr. 2 Jahrzehnte hat er mich persönlich aus seiner großen geistigen Kraft schöpfen lassen, mir seinen Rat gegeben und durch mich dann der deutschen Industrie. Mir ist es auch im Namen aller seiner Freunde ein ganz besonderes Anliegen, heute Ihnen das menschliche Bild Friedrich Flick zu zeichnen. Die Natur war ihm bis in seine letzten Tage immer das schönste Erlebnis. Friedrich Flick war stets um das Wohl und das Wehe seiner Familie sehr besorgt. Als Sohn eines Landwirts ist er seine Siegerländerheimat bis in sein hohes Alter treu geblieben. Alle, die mit ihm befreundet waren, sprachen nur vom alten Herrn. Kaum war der Geier tot, da beeilte man sich schon zu versichern, dass er vom Schnabel bis zur Kralle ein Mensch gewesen sei. Er ist von uns gegangen. Hierfür schulden wir alle herzlichen Dank. Friedrich Flick war in seiner Veranlagung der echte Sohn seines Vaters. Der uns teure Tode war Unternehmer, weil er Unternehmer sein musste. Einem Architekten gleich schuf er sein Lebenswerk. Es ist in diesem Sinne, dass ich an dieser Stelle meinen Dank, meine Verehrung ausdrücke. Wie ich überzeugt bin, Sie alle mit mir. Der Unternehmer Friedrich Flick hat immer wieder neue Fortschrittsquellen erschlossen, die allen zugute gekommen sind. Wir lesen gemeinsam Marx Kapital, erstes Buch. Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit. Kühn auf Fortschrittlichkeit und Risikostreuung konzipiert. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Aufgebaut durch Intuition und Arbeit des guten Unternehmers, der weiß, wo die Entwicklungschancen liegen. 10% sicher und man kann es überall anwenden. Ihm eigen war die Unbeirrbarkeit, Ziele zu setzen und nicht mehr aufzugeben. 20%, es wird lebhaft. 50%, positiv waghalsig. Große Ziele erfordern freilich mutige Zeitvorstellungen, einen langen Atem. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinem Fuß. Das Eisen, von dem er seinen Ausgang nahm, prägte auch im Wortsinn seine Leistung. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert. Sein Name bleibt mit der Geschichte der deutschen Eisen- und Stahlindustrie verbunden. Kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Das ist die Wahrheit über Friedrich Flick, die manche nicht gern hören mögen. Nummer 5918393, der Wirtschaftsführer, Mitglied des Freundeskreis Himmler, förderndes Mitglied der SS, Mitglied des Russlandausschusses der deutschen Wirtschaft, inspizierte mit dem Freundeskreis Himmler das KZ Dachau und die geraubten Ostgebiete. habe Mehrheit übernommen. Stopp. Hoffe auf gute Zusammenarbeit. Friedrich Flick. Werte Geschäftsführung, entweder es ändern sich die Zahlen oder es ändern sich die Gesichter. Friedrich Flick. Hop, est-ce que le silence après nos amis de Flo de Cologne, c'est encore des Flo de Cologne, va savoir, et puis on s'en fiche un petit peu. En tout cas, toujours est-il qu'on vient de s'écouter le titre, donc Sats, Danse Macabre, Totten Duns, tiré donc de cet album Geyer Symphonie. Donc, je crois que c'était très représentatif. Les autres morceaux de cet album sont un peu de ce tonneau-là. Je dirais que c'est peut-être celui-là qui a le plus de parties musicales. Mais voilà, on a beau pas comprendre l'allemand, il y a la musicalité des mots, on comprend, bon, je crois qu'on comprend très clairement quand on est sur des passages de procès, on comprend certains noms, des Goebbels, des Hitler, des noms comme ça. Et voilà, pour Flo de Cologne, je vous avoue que je suis pas allé jusqu'à explorer la suite de leur pérégrination musicale, mais voilà un groupe qui avait un propos fort à faire passer. Si vous avez tendu l'oreille aussi, il était question de marxisme assez souvent dans le morceau qu'on a entendu. Et ben voilà, rien à dire de plus, quoi. C'est de la musique militante et pour autant très inventive, beaucoup de collages, beaucoup d'expérimentations et qui n'ont pas forcément mal vieilli. Voilà. C'est plutôt pas mal, effectivement. J'étais assez surpris, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et non, très bien, ouais. C'est effectivement daté d'une époque. J'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Wurda Ita. Alors, je ne sais pas qui a influencé qui ou si les deux aimaient jouer avec les accords de cartes typiques de la musique de Magma. Mais des bons musiciens. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre avec les musiciens qui... Tu me dis collage et tout. Qu'est-ce qu'ils vont nous jouer entre-temps ? Et ce qu'ils jouaient, c'était fort agréable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, ben, écoute, tu voulais, on s'acheminait tranquillement vers une fin d'émission. Et finalement, allez, on va pousser un petit peu pour vous parler de Food Brain. Surtout que ça manque pas de sel avec cette histoire de Polydor, finalement. Je vais vous raconter un petit peu. Food Brain, c'est un groupe japonais qui évolue en quartet, si vous préférez. Guitare, batterie, clavier, orgue et basse. Alors, je crois que dès qu'il y a un orgue, sous prétexte que c'est jazz, tu me l'envoies et c'est parti, j'y ai droit, quoi. Donc... il va falloir que je ressorte mes vieux clichés. Oui, ça groove, ça fait penser à Jimmy Smith, au soul jazz, etc. Mais là, effectivement, il peut y avoir ce côté orgue plutôt psychédélique, on va dire. Puisque ce groupe Food Brain, tu nous parlais tout à l'heure de Faust, qui était une sorte de boys band, comme les Clash, par exemple. Il y en a eu d'autres, des groupes comme ça. Et Food Brain, c'est une sorte de boys band japonais, né à l'initiative, allez, je dis le nom, Ikuzo Horita, qui est à cette époque le directeur artistique de Polydor Japon. Et il a envie de profiter de la vibe, on est à la fin des années 60, il a envie de profiter de cette montée du rock progressif pour imposer le rock progressif japonais dans l'île et dans le monde, quoi. Donc, autour de Chinky Chen, qui est guitariste et qui est plutôt bon, il réunit tout un tas de musiciens, il y a pas mal d'intervenants, il y a des histoires de drogue, ça ne durera pas très longtemps, donc de 69 à 70. Et en 70, ils enregistrent cet album Social Gathering, Rassemblement Social. Tu vois, pour finir l'émission, on est encore dans du thème avec des idées fortes. Il participe entre-temps, donc durant ces deux années très foisonnantes, à une BO de film. Pour les gens que ça intéresse, qui aiment le cinéma japonais, c'est Shinjuku Mado. Cette musique de film paraîtra en 2008. Et sinon, l'album, lui, est sorti en 1970. Une musique, ma foi, je dirais prog, psyché, orientée vers le blues. Il y a carrément un morceau, je pense qu'ils ont fait ils ont pompé Light My Fire des Doors. C'est pas le même morceau, mais la mélodie, tout y est. Donc voilà, on se retrouve dans ces ambiances un peu psyché, un peu groove à la Jimmy Smith, n'est-ce pas, puisqu'il fait de l'orgue. Et on va écouter le premier morceau de l'album. Tu vas me dire le titre, s'il te plaît. Bref, c'est une sorte de rhythm and blues. That Will Do. That Will Do, merci. Rhythm and blues, un peu psyché, c'est un peu jump, ça passe par-ci, par-là. Ça peut faire aussi un petit peu jam interminable où chacun y va de son solo. Mais voilà comment les Japonais appréhendaient le rock dans les années 70. Et c'est ce qui a au final attiré l'oreille de ces chers Nurse with Wound pour les mettre sur leur fameuse liste. On s'écoutera un autre morceau tout à l'heure. We'll be right back. Je n'aurai qu'un mot, youpi, enfin un fade-out. Ah voilà, ça te fait plaisir. Bah oui, parce que là sinon ils ne s'arrêtaient plus. Hein. Je pense qu'ils ont coupé une jam qui devait durer trois quarts d'heure. Et ils ont dit c'est bon, on s'arrête maintenant et ça ira, ça fera un morceau. Si vous signez chez Virgin, on prendra les chutes et on fera un album, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, vous êtes encore chez Polydor. Et vous nous faites un bel album de drogués qui aime l'orgue, la guitare, les solos, et puis un petit peu, allez, on va dire, le speed metal ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, le morceau qu'on va s'écouter, ça part sur une funk blues bien gras avec une très grosse basse. Le bassiste est très, très bon quand même de ce groupe. Ce sont quand même de très bons musiciens. Et voilà, il y a un riff que j'ai retrouvé, alors je ne veux pas faire du name dropping à qui mieux mieux, mais j'ai retrouvé dans le sacre du tympan, ce genre de truc qu'on peut retrouver dans moult groupes de heavy metal ou thrash metal. Et ben voilà, sans plus attendre, on va s'écouter, en plus le titre il s'y prête, le jus de foie vending machine, je ne sais pas ce que veut dire vending, allez on va dire que ça veut dire vendre, tiens. Et... histoire de... Allez, comme ça. Liver Juice Vending Machine. Voilà, je ne sais pas si Deep Purple avait sorti d'album, un album, son premier album à l'époque, mais c'est du riff qui tabasse là. Hein. Moi j'aime bien ça. Voilà, pour moi c'est le meilleur morceau de l'album. Un album, ma foi, comme vous avez pu l'entendre, le combo rock, clavier, guitare, basse, batterie, qui de temps en temps va s'orienter un petit peu sur des morceaux plus longs, vers un petit peu de free jazz, qui fait des citations par-ci par-là, je vous l'ai dit, les Doors, le thème mortuaire, etc. Enfin bref, un groupe japonais qui avait une certaine idée du rock progressif chez Polydor. Ah, Polydor, on aura suivi tout au long de l'émission, tiens, cette maison de disques. C'est le générique qu'on entend derrière nous, il est temps pour nous, c'est la fin de l'émission, de nous livrer au récapitulatif traditionnel de fin d'émission. Et on a commencé par... J'ai commencé par Circus Apparata, figure-toi, puisque oui, tu étais en retard pour raisons techniques, il fallait chercher du câblage, etc. On ne va pas saouler les auditeurs et les auditrices avec ça, mais un petit début d'émission un petit peu chaotique, mais sympathique, avec Circus Apparata, voilà. Ouais, juste après, c'est notre ami Nico qui a pris la parole pour nous présenter l'œuvre de Family Fodders. Ensuite, j'ai pris la main pour vous présenter longuement les quatre premiers albums de Faust. On a démarré avec l'album éponyme, dit aussi le Clear Album. On a écouté le titre Why Don't You Eat Carrots. Ensuite, on est passé au deuxième album, So Far. Et on a écouté No Harm, suivi de I've Got My Car and My TV. Et la petite vignette délicieuse, un brin rock de chambre, Picnic on a Frozen River. C'est vrai. On est passé au troisième album de Faust, sorti chez Virgin, celui-là, The Faust Tapes. On a écouté deux des petits exercices qui ponctuent cet album. Exercise with Several Hands on the Piano, suivi de Exercise with Voices, Drums and Sax. Et ensuite, on a écouté une vraie chanson tirée de cet album Faust Tapes. La chanson, c'était J'ai mal aux dents. On est passé ensuite au quatrième album de Faust, intitulé Faust 4. Et c'était Gigi Smile qu'on a écouté pour terminer cette tentative d'exploration de l'œuvre de Faust des années 70. Tous ces albums, je vous les recommande particulièrement. Ensuite, c'est notre camarade Guénolé qui a pris la parole pour nous parler de Fille qui mousse. On a écouté pas mal d'extraits de cet album qui s'appelait Fille qui mousse à la base, qui est ressorti sous le nom Triplice Stapleton, si je dis pas de bêtises, et qui finalement maintenant s'appelle Se taire pour une femme trop belle. On a écouté Bubblegum à Jacqueline Prothèse, suivi de Tibora Parisala, suivi de Princesse Nuage, JB Jasmin Ordination, terminé la petite série de quatre morceaux que Guénolé nous a fait écouter d'affilée. Et un peu plus tard, on a écouté Barbara Lowen Green Speedway. Ensuite, Stéphane, t'as pris la main pour parler de Walter Franco. J'ai parlé de Walter Franco et on a écouté Mixtura Sao, Flexa, Chachados et Perdid et Porum Trees. Ensuite, je vous ai amené dans l'univers de Flo de Cologne, cette Geyer Symphonie. On a écouté le titre Sats, Danse Macabre, Totten Dance. Et puis, j'ai terminé avec Food Brains. Rappelle-moi le titre du premier morceau, je ne l'ai pas noté et je l'ai déjà oublié. Bravo. That Will Do. That Will Do. Et nous avons écouté, pour terminer, Liver Juice Vending Machine. Voilà. Et voilà, c'était la 16e édition de Au pied de la lettre, la lettre F. On a pu découvrir 6 groupes ce soir et on se retrouve jeudi prochain pour en découvrir encore d'autres de cette lettre F. Beaucoup, beaucoup de beaux noms au programme, Luc Ferrari, Fred Fries notamment, les Flying Lizard, enfin il y a de quoi se... Il y aura de quoi se régaler. Ça va être oui, phénoménal, fabuleux. Furieux, fantastique. On aura des acouphènes, vous aurez un peu de fièvre, ça vous fait un peu d'effet. Voilà. Voilà, on sera quand même affable. Et si vous restez sur Radio, il y a des belles choses qui vous attendent dans pas longtemps, notamment un petit électrique Masada, Vialka, les Residents, Godspeed You Black Emperor, il y aura du Enrico aussi, je vois, il y aura du Joy as a Toy, du Gong, enfin beaucoup, beaucoup, The X, Radical Satan, il y a de quoi rester 1h30 de plus à l'antenne de Radio, il y a de très très belles choses à l'écoute, et nous on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bye bye, bonne nuit.